Bonjour chers fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Passation du test d'entrée à l'Institut supérieur de l'Académie militaire dans toutes les provinces du pays. À Makamba, trois candidats se sont vus refuser l'accès à ce test. Le motif, c'est dans ce journal. Et la législation réprimant la mendicité n'est pas appliquée de façon effective. Cela pourrait réduire les effectifs des mendiants. Les détails, c'est dans ce journal. Et les agriculteurs des provinces de Boubanza et Tibitoke demandent d'être subventionnés en engrais chimiques. Ce que le ministre tranquillise. Voilà pour les titres. François Akimana est à la manette du son. Moïse Misago est à la présentation. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Ouvrons cette édition par la page sécurité. Plus de 3100 candidats finalistes des écoles secondaires passent au niveau national le test d'entrée à l'Institut supérieur de l'Académie militaire. Le porte-parole des Forces de défense nationale du Burundi, FDN, indique que ce test se déroule au chef-lieu de toutes les provinces du pays. Colonel Floribert Uyereke ajoute que la liste des candidats qui seront retenus pour la 49e promotion de l'ISCAM seront rendus publics à la fin de la passation de ce test. Suivez le colonel Floribert Uyereke au micro d'Evariste Nzikobanyang. Le test se déroule sur tout le territoire national. Il s'agit d'un test qui porte sur les aptitudes intellectuelles. Et ce test est composé par trois épreuves. Il s'agit d'une épreuve qui porte sur les mathématiques, d'une épreuve qui porte sur le français et d'une épreuve qui porte sur l'anglais. Et on a enregistré 1362 candidats. Et à Bujumbura, ils sont quoi ? À Bujumbura, ils sont au nombre de 67. Et parmi ces 67 candidats, il y a 9 filles. Ici, par exemple, il y a eu une seule absence. À l'intérieur du pays, nous attendons encore les rapports. Aujourd'hui, c'est les mathématiques, le français, l'anglais, et ça sera fini comme épreuve. Pas du tout, parce qu'on va aussi passer un test qui porte sur les aptitudes physiques, parce qu'un candidat doit être à même de pouvoir faire son métier. Et pour faire son métier, il y a des exigences en termes d'aptitudes physiques, c'est-à-dire il y a des épreuves qui portent sur le sport, et ce test sera donné le 17. Ils sont de toutes les ethnies, il y a des Hutus, il y a des Tutsis, il y a des Twa. Mais ici, il y a pas de Twa qui est venu ici. Plus de 1300 candidats passent le test. L'ISCAM a besoin de combien à la fin de ces épreuves? C'est une information qui généralement est donnée au terme du parcours, au terme du processus de sélection. Parce que maintenant, il n'est pas possible de pouvoir se prononcer par rapport à ce chiffre. Car il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Et quant à Makamba, trois candidats n'ont pas eu le droit au concours de passer ce concours donnant accès à l'Institut supérieur des cadres militaires au centre de passation situé au lycée d'excellence Makamba. Les motifs, selon les encadrés de ce centre de passation, les écritures de leurs pièces d'identité étaient falsifiées tant sur leur âge que sur leur nom après une minutieuse observation de tous les candidats présents. Parmi les 82 candidats qui s'étaient fait inscrire, deux se sont absentés, 77 ont passé, dont 10 filles. Et le Burundi se joint à d'autres pays du monde pour célébrer la Journée internationale des peuples autochtones, la journée qui est célébrée chaque année le 9 août. Le représentant légal de l'UNIPROBA, une organisation locale de défense des droits des Batois, a dit que cette journée est célébrée pendant que les Batois font face à une multitude de problèmes, dont le manque de terres cultivables et l'habitat décent et autres. Le représentant de l'État dans cette cérémonie a promis que l'État cherchera des terres aux Batois qui n'en ont pas et fera construire des maisons à ceux qui sont dans le besoin. Il a néanmoins invité les Batois à scolariser leurs enfants. Gérard Nibigira, correspondance. Le monde célèbre cette journée internationale dédiée aux peuples autochtones le 9 août de chaque année. Le Burundi s'est alors joint à d'autres pays du monde pour la célébrer. Les cérémonies ayant eu lieu au site des Batois de Zégué, colline Rukoba, commune et province Gitega, sous le thème « Appuyons le peuple autochtone en matière de développement », le peuple autochtone burundais étant les Batois. Ainsi donc, Emmanuel Nengo, représentant légal d'une organisation de défense des droits des Batois, Unissons-nous pour la promotion des Batois, Uniproba en abrégé, a dans son discours demandé que cet appui se traduise par l'émission des solutions aux problèmes qui hantent les Batois. Il a cité entre autres problèmes le manque de propriété foncière, le manque d'argile pour la fabrication des pots, le manque d'habitat décent, l'abandon scolaire des enfants Batois suite à la pauvreté, les jeunes Batois qui ne fréquentent pas l'université faute de moyens, le chômage chez les jeunes diplômés Batois, un faible taux de représentation de la communauté Batois dans des instances de prise de décision et d'autres. En outre, il a demandé à l'État et aux organisations intéressées d'aider les Batois à arriver à un niveau suffisant de développement et aux Batois, il a demandé de scolariser leurs enfants et de s'adonner aux travaux de développement. Il a profité de cette occasion pour remercier l'État burundais et différentes organisations pour avoir octroyé des terres à certains Batois et construit des maisons à d'autres, sans oublier le fait que les Batois se retrouvent maintenant dans certaines institutions étatiques. De son côté, le directeur général de la réintégration des sinistrés au ministère de la Solidarité, des droits de la personne humaine et du genre, Simbara Kiereverie, a fait savoir que l'État cherchera des terres aux Batois qui n'en ont pas et construira des maisons pour eux. Il les a cependant invités à scolariser leurs enfants et il a conseillé aux adultes Batois d'apprendre différents métiers. Il a aussi rappelé aux Batois que l'enregistrement des nouveaux-nés à l'état civil et le mariage légal sont indispensables. Enfin, l'Uniproba a décerné des certificats d'honneur et mérite à 15 personnes pour l'avoir soutenu dans ses activités. Il s'agit du ministre de la Solidarité, des droits de la personne humaine et du genre, de la radio Isanganiro, des leaders Batois comme Honorable Liberate Nichaenzi, le sénateur Bambanze Vital, Emmanuel Nengo et d'autres. L'État a octroyé du riz et du savon à 375 ménages Batois. Depuis Gitega, Jean Ibira pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Justice à présent, l'article 525 du Code pénal burundais sanctionnant la mendicité n'est pas appliqué rigoureusement alors qu'il peut réduire sensiblement les effectifs des mendiants une fois mis en vigueur. En vue de décourager cette mauvaise pratique, il serait mieux d'envisager les sanctions à l'endroit de ceux qui font des dons à ces mendiants non regroupés dans les centres d'encadrement. Propos émis ce vendredi à l'Université de Ngozi lors d'une conférence-débat organisée par l'association IAGA. Les précisions avec Apollinaire Muzagar. Selon les participants dans cette conférence-débat, les effectifs de mendiants ne cessent d'augmenter en ville de Ngozi. Parmi eux, des femmes et hommes valides, enfants de la rue, des personnes en âge avancé, des participants et autres. Cette mauvaise pratique de mendicité continue parce que la loi n'est pas appliquée à la rigueur, déplore ses participants. Maître Eric Moussavzi conseille une forte sensibilisation de la population sur l'article 525 du Code pénal burundais qui prévoit des sanctions à l'endroit des mendiants. Ce dernier prévoit 14 jours à 2 mois de sa vie pénale et une amende de 5 000 à 10 000 francs bou ou l'une de ces peines à toute personne surprise dans la mendicité. En cas de stricte application de cet article, ajoute-t-il, les effectifs de mendiants pourraient chuter sensiblement. Aux personnes âgées et invalides, le gouvernement est appelé à mettre en place des centres d'encadrement de ces derniers pour qu'ils soient assistés étant dans des endroits précis. Les participants à ce débat organisé par l'association IAGA se sont accordés à dire qu'une fois, un mendiant sera dans la rue le premier jour et qu'il rentre bredouille, de même que la seconde fois, son dernier ne retournera plus que mende, d'où ils interpellent ses donateurs qui pousse les gens à la mendicité, cette sorte d'aide. Les participants demandent même des sanctions à l'endroit de ces derniers. Ils demandent au gouvernement plus de sensibilisation de la population au planning familial, arguant que la démographie galopante en Ngozi dans les provinces limitrophes est l'une des principales raisons qui poussent les gens à mendier dans les rues. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Une fille de la zone Bamba en commune et province Bururi a été arrêtée puis conduite au cachot de la police de Bururi ce jeudi. Le chef de zone Bamba dit que cette fille a été arrêtée dans sa famille après la découverte d'un corps de son nouveau-né jeté dans leur latrine. Ce corps a été dignement inhumé ce vendredi et la confection d'un dossier pour cette fille est en cours selon le parquet et la police à Bururi. Page agriculture, à présent, les agriculteurs des provinces de Boubanza et Chibitoke demandent d'être approvisionnés en engrais chimiques et en matériel agricole comme les pompes, les motopompes pour irriguer leurs cultures, surtout dans cette saison sèche. Le ministre Deogui Derurema, ayant l'agriculture dans ses attributions, tranquillise surtout pour ce qui est des engrais en soulignant que désormais l'engrais est un produit local. Le point avec Aimé Richard Nyonguru. Dans une visite guidée effectuée par le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage dans les provinces de l'intérieur du pays, le numéro 1 du secteur agricole au Burundi se réjouit de l'état des lieux sur le terrain. Cette saison, c'est une réalité dans les saisons culturelles du ministère. Nous avons trouvé que les marais sont bel et bien occupés par les cultures. Et le pays est vert et ça montre de l'espoir aussi à la population. Aux agriculteurs, tout n'est pas rose, dit-il. Le manque de matériel nécessaire est un défi auquel ils font face. Ici, cette dame déplore le manque d'une motopompe qui est utilisée dans l'irrigation des champs de culture qui doit être louée à 15 000 par jour, une somme qualifiée d'exorbitante par cette femme de champ. Concernant les engrais chimiques, le ministre Deogui Derurema, en charge de l'agriculture au Burundi, n'y va pas à quatre chemins. Désormais, pas de lamentation, dit-il. L'engrais chimique est un produit local. En ce qui concerne l'approvisionnement des intrants agricoles, parce qu'il y a une bonne collaboration entre la population, les ministères et les fournisseurs de ces intrants agricoles. Je vais profiter de cette occasion pour tranquilliser la population qu'il n'y a aucun défi ou aucun doute. Nous venons d'installer une usine qui fabrique les engrais organominéraux. Il y a la combinaison des éléments chimiques et la fumée organique, mais aussi la dolomie qu'on appelle souvent la chaux. Donc, une fois que nous sommes en train de fabriquer sur place et qu'on va plus importer ces intrants agricoles, vous comprendrez mieux que la population n'a aucun souci de se demander qu'il y aura déficit des intrants agricoles. Huit provinces, à savoir Boubanza, Chibitoke, Kayanza, Ngozi, Kirundo, Muyinga, Karusi et Gitega ont été objet d'une visite guidée effectuée par le ministre ayant en charge l'agriculture avec tout son staff pour un seul objectif, s'enquérir de la situation agricole sur terrain. Merci Aimé Richard Nyonguru. Et pour boucler cette édition, le renforcement de l'amitié entre le Burundi et le Japon est l'un des objectifs de l'organisation pour la première fois de l'édition de la Coupe de l'ambassadeur du Japon au Burundi organisée par la Fédération burundaise de karaté en collaboration avec l'ambassade du Japon au Burundi. Gilbert Havugimundu, directeur technique adjoint de cette fédération, fait savoir que 11 équipes et 23 karatéka indépendants se sont fait inscrire pour participer dans cette compétition qui se déroule à Bujumbura. Suivez-les au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Cette coupe a été organisée dans le but de renforcer l'amitié entre la Fédération burundaise de karaté et l'ambassade du Japon. Aujourd'hui, comme vous venez de le voir, si la coupe a commencé aujourd'hui et va se terminer aujourd'hui même, c'est juste pour renforcer l'amitié entre la Fédération burundaise de karaté, comme je viens de le dire, et l'ambassade du Japon. Et quelles sont les équipes qui seront présentes dans ces compétitions? Ceux qui se sont inscrits, c'était au nombre de 11 en comité et les autres disciplines comme kata, et donc ils sont venus à titre individuel parce qu'il n'y avait pas d'équipes qui sont bien préparées. Donc on a 17 compétiteurs qui sont venus individuellement, ils sont en train de faire la compétition et au niveau des filles c'est autour de 7, donc les équipes de l'intérieur du pays sont venues, les équipes de la mairie de Bujumbura sont venues, donc on a un nombre important d'athlètes qui sont en train de compétir aujourd'hui. Comptez-vous organiser telle compétition dans l'avenir? Oui, donc cette coupe, c'est la première édition. On compte organiser annuellement cette coupe qui est dédiée à l'ambassadeur du Japon. Quel sera le sort, ceux qui seront classés premiers? Les meilleurs seront récompensés. passer des médailles, des coupes et aussi une enveloppe qui accompagne ces médailles. Quelle relation aux amateurs de karaté de Mérico Bujumbura? Les amateurs de karaté de Bujumbura, ce que j'aurais demandé à essayer de continuer à soutenir. Vous savez que le karaté burundais a un niveau de compétition important, donc élevé. Il faut qu'il continue à nous aider, il faut continuer à nous soutenir pour que l'équipe voit que les Burundais sont tous derrière et pour représenter les nations. Et voilà, chers auditeurs, à 13h12, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à François Akimana pour sa collaboration technique. Mais avant de vous quitter, comme à l'accoutumée tous les samedis, vous avez droit à la revue de la presse et c'est dans quelques instants. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. Le Sénared, exode électoral ou reddition, s'interroge le journal Iwachu en une de sa parution de cette semaine. Et c'est pour évoquer dans son éditorial la déclaration du secrétaire exécutif du Sénared qui vient d'annoncer leur intention de rentrer pour participer aux élections de 2020, ce qui a suscité moult réactions dans l'opinion. Et pour les uns, note cet hebdomadaire, il s'agit d'une reddition, d'une capitulation, d'une trahison, d'une fatigue de l'exil. Pour d'autres, il est difficile de deviner les véritables intentions de ce retour, dès lors qu'on ignore les clauses du contrat, si contrat il y a, qu'ils ont scellé avec le pouvoir en place. Cet hebdomadaire considère que la participation aux élections est un alibi, une échappatoire, une diversion. C'est leur droit le plus absolu de retourner à la mère patrie, de regagner le bercail. Toutefois, à entendre la communication des intéressés et celle d'une haute autorité de l'exécutif burundais, on perçoit une dissonance entre les deux parties, écrit ce confrère qui fait également remarquer le refus du porte-parole du même exécutif de s'exprimer sur le sujet. Dans de pareilles circonstances, l'éditorialiste d'Iwachu conclut en reprenant l'adage des Anglais qui disent « Welcome, but don't sit down ». Les premiers lauréats de l'enseignement post-fondamental viennent d'affronter du 6 au 9 août 2019 l'examen d'État. Le journal La Voix de l'enseignant écrit que cette étape est le couronnement de 3 ans de dur labeur des élèves et des enseignants. Ce journal fait remarquer que ces derniers ont fait face à plusieurs difficultés liées notamment à l'inadaptation au nouveau système d'enseignement et d'évaluation, ainsi qu'au manque des supports pédagogiques. La formation de quelques jours que les enseignants ont reçue n'a pas suffi pour qu'ils puissent comprendre en quoi consiste la nouvelle méthodologie. Ils n'ont pas pu appliquer convenablement le peu de connaissances acquises en rapport avec cette nouvelle méthodologie suite aux effectifs et au faible niveau des élèves. Pour cet hebdomadaire de l'éducation, le problème des supports pédagogiques n'a pas non plus trouvé la solution durant les 3 années. Ce qui fait dire à son confrère que les enseignants pensent que les résultats de l'examen d'État permettront d'évaluer correctement l'enseignement post-fondamental et de faire des réformes nécessaires pour corriger les imperfections. Et l'agence burundaise de presse révèle une erreur qui a perturbé les candidats à l'examen d'État au centre de passation de Mwakiro. En effet, rapporte ce journal, à la première journée des épreuves, grande et désagréable fut la surprise des élèves de la section normale au lycée communal Buhinyuza en province Muyinga, interné à l'ITAB Mwakiro, qui se sont vus distribuer un questionnaire de français destiné à la section pédagogique 4, alors que sur l'horaire, il était mentionné qu'ils allaient faire l'anglais et le kirundi. Après des réclamations, les surveillants ont retiré les copies de français pour leur passer celles d'anglais. Mais là aussi, pour la section pédagogique 4, poursuit ce journal. Avec cette deuxième erreur, les surveillants les contraignent de travailler sur cette épreuve d'anglais, même s'il n'était pas prévu pour leur section. Ce quotidien souligne qu'il a fallu l'intervention du directeur du centre de passation pour que ces élèves arrêtent pour attendre les épreuves destinées réellement à leur section. L'ABP note que c'est ce directeur du centre qui est alors parti pour Muyinga à 50 km pour récupérer les épreuves et la passation a débuté au-delà de 14 heures pour se terminer à 19 heures près. Revue de la presse. Pas mal d'utilisateurs de la téléphonie mobile ignorent qu'ils peuvent utiliser leur carte SIM en dehors des frontières. L'interopérabilité entre les opérateurs de télécom permet aux abonnés de communiquer sans toutefois changer de numéro, écrit Burundi Echo. Cependant, cette technologie n'est pas à la portée de tout le monde au regard de la tarification appliquée. À titre illustratif, Burundi Echo écrit que quand un abonné de la compagnie Econet Leo est en visite dans les pays de la sous-région tels que le Rwanda, Ouganda, la RDC ou le Kenya, il doit payer 4200 francs à chaque minute d'appel vers le Burundi et 1000 francs bout par minute pour chaque appel reçu. Des oisifs et les femmes professionnelles du sexe qui se manifestent nombreux au poste frontière de Kobero en province Muyinga, à la frontière tanzano-burundaise, sont sommés de vider les lieux d'ici quelques jours. C'est une décision du commissaire provincial rapportée par l'agence burundaise de presse qui justifie que ces gens pourraient constituer une source d'insécurité si l'on n'y prend pas garde, en affirmant qu'un malfaiteur peut camper chez une femme publique et commettre des forfaits sans que sa présence se remarque dans le milieu. Il a invité le commissaire communal de Butihinda et le chef de zone Butarugeda à chasser indistinctement tous ceux qui n'ont pas d'occupation dans cette localité. Mais pour le gouverneur de province, Tempère l'ABP, il est difficile de chasser ces travailleuses de sexe sans inquiéter leurs partenaires. Et c'est la fin de cette revue de presse présentée par Francine Ndokubgayo et Jean Bosco Nduimana. À la prochaine. Revue de la presse.